j'étais dans le biz. À l'époque des Pascal, j'étais dans ce game. Dès les premiers rap line, j'ai smoké 7-8. En provenance d'Amsterdam, j'ai rempli mes poumons et frôlé l'arrêt cardiaque. 10 esplifs au quotidien, je ne cherchais même plus d'excuses. Ma life, un putain de mauvais film depuis mes 15 et 10 de plus. 25 ans, je lève le pied, commence la prière, incompatible avec le reste, donc je me retire des affaires. Je continue de faire du son juste pour le fun, rien de plus qu'un hobby. Un classement hip-hop différent de Marseille et Paris. Prends les paris, retiens ton souffle pendant la crise comme à Wall Street. Je traverse le temps comme les DJ à travers le pare-brise. Un peu trop hardcore au goût de certains. J'ai souvent provoqué des réactions hostiles. Agrémenté de wesh wesh cousin, j'avoue que dans le temps, j'avais la rime facile. J'ai fait mon premier freestyle devant mes potes au collège. 20 ans plus tard, toujours dans le rap, j'amène mon gosse en primaire. Première ligne sur le terrain, je voulais marquer l'histoire. Entre la bière et le shit, Carhartt et Caterpillar. J'ai fait mon premier freestyle devant mes potes au collège. 20 ans plus tard, toujours dans le rap, j'amène mon gosse en primaire. Première ligne sur le terrain, je voulais marquer l'histoire. Éternel comme le Highlander, je vais finir par le croire. Retour au point de départ coincé entre Campton et Shaolin. J'aimerais remonter le score comme on fait dans le temps, les Fugees. Mon rap a pris du plomb dans l'aile comme Michael Douglas dans Chute Libre, vestige d'une époque révolue, vieille gloire des 90. Porté disparu comme Chuck Norris sous les premiers Motorola. Dans ce beat jusqu'aux oreilles depuis la Mega Drive de Sega. Du gros son dans les tympans pour décompresser comme une drogue. Bon tux à mode play, j'dégole neck de ce monde. J'm'en bats les couilles des modes comme des grosses montres. Trop de soirées, trop de dope, les mondes perdent le contrôle. Tout comme trop de coups en sparring égale perte de neurones. Un parcours en dents de scie, je m'emporte et vite. Avec des scies on mettrait Paris en bouteille. Si j'avais su, j'aurais mis les MC dans le formol de mon vécu. On pourrait faire un bouquin ou juste un album. J'ai fait mon premier freestyle devant mes potes au collège. 20 ans plus tard, toujours dans le rap, j'amène mon gosse en primaire. Première ligne sur le terrain, je voulais marquer l'histoire. Entre la bière et le shit, Carhartt et Caterpillar. J'ai fait mon premier freestyle devant mes potes au collège. 20 ans plus tard, toujours dans le rap, j'amène mon gosse en primaire. Première ligne sur le terrain, je voulais marquer l'histoire. Éternel comme le Highlander, je vais finir par le croire. Le temps n'avait aucune importance. Nous savions que nous resterions ensemble jusqu'à nos vieux jours. Quant à la mort,